Je parle de vérité là où le mensonge règne. Je parle de réalité là où la population saigne. Les douleurs d'un peuple, les cris d'une nation. La guerre engendre la haine, la paix d'illusion. Des conflits perpétuels et des âmes à bénédiction. Un problème de terre pour une histoire de religion. La planète se révolte et la nature se pollue. Des tsunamis fréquents et la population diminue. La fin approche et le monde part en vrille. La planète se réchauffe, victime de nos débris. Le respect n'est plus la même, n'est plus comme avant. Des insultes qui se répètent, des cris envers nos parents. La femme devient homme et le sexe PML. On ne reconnaît plus le mâle, on ne reconnaît plus la femelle. Des épidémies qui s'annoncent et la mort s'impatiente. Des maladies qui frappent et le monde succombe. Le mal nous envahit, la foi n'y est plus. Le diable nous a eu, la loi divine se désolue. Des meurtres à volonté et des enfants assassinés. Plus de gens qui disparaissent et des femmes séquestrées. Des crimes dans l'humanité pour un monde joli à voir. Les médias cachent la vérité pour une histoire de pouvoir. Un décor qui a rien de réel dans un monde de fiction. On nous dit que la vie est belle, mais tout ça n'est qu'une invention. Un monde meilleur pour un nouvel ordre mondial. Les âmes en pleurs pour une société créée par le mal. On joue avec nous, on n'est que des marionnettes. On nous manipule et personne ne s'intéresse. Les âmes deviennent à poids et les médias ils en parlent. De plus en plus on croit que notre religion est le mal. On ne se rend pas compte de cette idéologie. On profite de ce bon monde sans donner notre avis. La fin des temps se prononce et personne ne réagit. C'est pour ça que je vous parle de la société d'aujourd'hui. Father said to be a star that's shining bright. For the heart of a Muslim, that's what's right.